de Ulysse Travel. Salut à tous et à toutes. Dernier voyage dans l'univers de Star Wars. En décembre 2017, sortit le deuxième film de la nouvelle trilogie qui se nomme Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, qui se déroule peu de temps après l'épisode 7 où on voit la résistance qui tente d'échapper au premier ordre à bord de leur vaisseau. Sauf que leur vaisseau a perdu du carburant. Finn, accompagné de Rose Tico, un membre de la résistance, pour trouver quelqu'un pour les aider. Pendant ce temps, Rey, qui a fait la rencontre de Luke Skywalker pour que celui-ci lui montre la voie de la Force et qu'elle découvre la vérité sur ses parents. Mais elle devra se confronter à Kylo Ren et à son maître, le suprême leader Snoke. Ce 8e film, épisode de la saga, fut une excellente suite pour la nouvelle trilogie de la saga. En 2018, sortit un autre spin-off qui s'intitule Solo, réalisé par Ron Howard. Ce film est, comme son nom l'indique, l'histoire de Han Solo avant l'épisode 4. Il nous montre le jeune Han Solo qui s'allie à une bande de contrebandiers intergalactiques et un vieux Wookiee nommé Chewbacca, pour payer la dette de Dryden Vos, le terrible chef de l'Aube Écarlate, un gang de criminels intergalactiques. Il fera également la rencontre de Lando Calrissian, qui est le propriétaire de son futur vaisseau, le Faucon Millennium. Ce film a malheureusement connu un bide auprès des critiques et aussi auprès des fans, qui jugent le film comme une déception et ne voyait juste qu'un film commercial qui n'a été créé que pour satisfaire les fans qui refusaient de plus revoir Han Solo dans Star Wars. Le 7 octobre 2018 fut créée la troisième série animée qui s'intitule Star Wars Resistance, qui se situe entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Elle est centrée sur Kazuda Xiono, un jeune pilote recruté par la Résistance qui doit espionner la menace grandissante du Premier Ordre. La série connaîtra elle aussi un bide et une grande déception auprès des fans, mais en fin 2019 sortira le 9e épisode de la saga, ainsi que la nouvelle saison de la série Star Wars The Clone Wars. Pour conclure, Star Wars est une gigantesque saga avec un immense univers, les personnages sont tous remarquables, les répliques sont toutes cultes et inoubliables, les produits dérivés, jeux vidéo, séries et livres rajoutent du contenu dans la saga, et c'est également une saga que j'adore par son univers et par ses personnages. Voilà, j'espère que ce voyage dans l'univers de Star Wars vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !